La Perle Noire par Léon de Tinceau. Les Parisiens me font toujours rire lorsque, vers la fin d'août, ils prétendent, sur la foi des reporters, que la capitale manque d'eau. Je connais, à l'autre bout de la mer Rouge, une ville de 60 000 habitants qui se nomme Aden et qui est bâtie sur un promontoire de lave refroidie, imparfaitement. Là, pour tous les trésors des Indes, les détracteurs de feu M. Alphand ne trouveraient ni un brin d'herbe, ni une feuille de salade, ni une goutte d'eau. « Mais enfin, quand il pleut, que devient ce qui tombe ?» demandai-je à mon ami Pujol, le consul qui me faisait les honneurs de son rocher, un jour que je passais par là en revenant de Chine. « Quand il pleut, les citernes publiques se remplissent. Mais à l'heure où je te parle, voici 5 ans que les gens du pays n'ont aperçu un nuage au ciel. » Alors d'où vient l'eau que nous avons bu à déjeuner ce matin? Elle vient de la fabrique. Les Anglais distillent la mer et nous vendent, au poids de l'or, un produit absolument irréprochable. D'ailleurs, tant la science a trouvé en toute chose le moyen d'imiter la nature. Mais c'est ruineux. Ma dépense d'eau se monte à 100 francs par mois, y compris les bains de ma femme, qui ne peut supporter l'eau salée. Diable! Comment font alors ces pauvres Arabes qui m'ont tout l'air de n'avoir pas 60 louis par an à consacrer à leur boisson? Ceux-là se contentent de l'eau que les chameaux apportent chaque matin des montagnes que tu vois, à 28 kilomètres d'ici. C'est un liquide peu agréable qui infecte le cuir de bouc. Mais qu'y faire? L'eau fabriquée est trop dispendieuse. De plus, un règlement de police interdit rigoureusement sa vente aux indigènes. Elle est réservée exclusivement aux Européens, à la garnison anglaise et aux navires de passage dont la provision est épuisée. Je pris ces notes sur mon carnet et nous revînmes au consulat où nous attendait Madame Pujol, une jolie Marseillaise exilée dans ce désert et que j'avais vue le matin pour la première fois, mon amie s'étant mariée depuis peu. Nous causâmes du pays et de ses ressources mondaines. Madame Pujol m'apprit avec un soupir que sa liste de visites contenait 2 noms, une vieille anglaise incapable de prononcer 2 mots en notre langue, et la propriétaire de l'hôtel de l'Univers, brave champenoise, plus habituée à se chamailler avec les vauriens arabes et somalis qu'à causer avec une compatriote. Comme je plaignais la femme de mon ami de cette existence peu récréative. « Allons, ma chère, lui dit Pujol, ne faites pas la dissimuler. Pourquoi vous cacher d'avoir un amoureux dans la ville arabe ? » La Marseillaise parut contrariée et haussa les épaules. « Un amoureux noir comme la cheminée, » dit-elle. « Très noir, mais très beau, » insista Pujol. « Nigra sum sed formosa, et très riche. Le plus gros cafetier d'Aden, c'est-à-dire le principal marchand de café mocha. Je te mènerai demain chez lui. Tu verras quel luxe de tapis, de gâteaux, de confitures, et quel bibelot, un vrai bazar. Ma femme y passe des heures et, si je n'y mettais bon ordre, ce bon Mouloud démeublerait sa maison en notre faveur sous prétexte que les objets qui la garnissent plaisent à Lady. « Quelle exagération !» dit Madame Pujol, qui paraissait de plus en plus vexée. « N'allez pas croire, monsieur, que je fais ma société intime de ce négrillon. Certainement, je ne suis pas allé chez lui depuis 15 jours. « Ma femme est de mauvaise humeur, » expliqua le consul, « à cause d'un bijou qu'elle a perdu ce matin. « Ah, certes, je suis désolé, » me dit-elle. J'ai cherché vainement toute la journée une ou deux des perles noires que je porte à mes oreilles et que mon mari m'a achetées à Ceylan. Vous pouvez juger par celles qui restent qu'elles étaient superbes. Je me prêtai à l'examen et constatai que Madame Pujol sentait bon et qu'elle avait l'oreille bien faite. Puis on parla d'autre chose et j'allai dormir sur le toit de la maison selon l'usage du pays. Le lendemain, accompagné de mon ami, j'allais dans le quartier indigène rendre visite à l'amoureux de Madame Pujol. Mouloud Ben Saïd est un arabe, comme son nom l'indique. C'est un marchand de café, plusieurs fois millionnaire, chez qui l'on trouve le meilleur mocha du monde, après celui des bons épiciers de Paris. Mais chaque voyageur se donne le plaisir de rapporter son café lui-même. Somme toute, il ne coûte pas beaucoup plus cher que celui qu'on achète en France. Nous avions avec nous, pour aller chez l'homme au mocha, un copassager et compatriote dont j'ai oublié le nom et qui venait de faire le tour du monde ou à peu près. C'était ce qu'on nomme un savant, grand preneur de notes, grand copieur d'inscriptions, grand adresseur de mémoire à l'académie, dont il se disait le correspondant. Mais il faut se défier, en voyage, des soi-disant correspondants de l'Académie. Mouloud, qui parle anglais comme un merchant de la cité, et qui est un superbe échantillon de la vraie race arabe, la plus belle du monde peut-être, nous reçut à merveille et nous fit les honneurs non seulement de ses magasins, mais de son intérieur, ce qui nous intéressa davantage. Puis, la visite terminée, il nous servit le café oriental, c'est-à-dire un breuvage embaumé, ressemblant au nôtre comme le champagne ressemble à la limonade gazeuse, accompagné du chibouk inévitable et de la jarre d'eau fraîche. De l'eau venue de 7 lieues à d'autres chameaux, dans une outre, ce n'était pas l'idéal, mais je mourais de soif, et d'ailleurs, j'avais bu pire dans les rizières de la basse Chine. Chose étrange, cette eau ne sentait pas le bouc, bien loin de là. On aurait pu lui reprocher de n'être pas absolument limpide, mais elle avait décidément un goût agréable. Elle sentait, ma foi oui, elle sentait la violette. La violette en face de l'Abyssinie. Le savant s'en était aperçu comme moi, car après avoir aspiré, reniflé, dégusté par petites gorgées, il me demanda d'un air tout académique « Ne trouvez-vous pas que cette eau a une saveur particulière ?»« Si, répondis-je, cela rappelle la violette. »« Justement. Eh bien, cher monsieur, on trouve, parmi les nombreux dérivés de la houille, certains produits dont l'odeur n'est pas sans analogie avec celle de la fleur en question. Les parfumeurs en font même usage pour falsifier leurs produits. J'en conclus que cette eau s'est trouvée en contact avec des gisements de houille. Une houillère à Aden, monsieur, voyez-vous cela? Songez-vous à cette fortune. Le moindre morceau de charbon qui se brûle ici vient d'Angleterre. » Alors mon compagnon accabla notre hôte de questions sur l'emplacement exact de la source qui fournissait aux chameaux leur chargement quotidien. Il s'y serait rendu sur l'heure, malgré la distance, si le paquebot n'avait dû appareiller le soir même. Du moins, il voulut emporter dans une fiole un échantillon de cette eau pour en faire l'analyse à l'école des mines, et ce qui m'étonna fort, ce fut de voir le trouble inexplicable que notre découverte causait à Mouloud Ben Saïd. Cependant, nous allions partir et je me versais un dernier verre d'eau, lorsque j'entendis dans mon verre le bruit d'un corps dur qui s'y précipitait en même temps que le liquide. Oh, surprise! C'était une perle noire, la sœur de celle que Madame Pujol m'avait montrée la veille. Et maintenant, cette odeur, je la reconnaissais bien. Je l'avais respirée, non sans un petit chatouillement agréable, en examinant l'oreille de la femme de mon ami, de la fringante marseillaise. Il était bon, le savant, avec sa houille. Et mon pauvre ami Pujol! Ce que je venais de découvrir n'appartenait pas au règne minéral. Je me souviens qu'il m'avait dit, malheureux garçon, « Le climat d'Aden a cela de particulier qu'il est débilitant pour les hommes, mais excitant pour les femmes. » Et chez cet arabe jeune, beau, riche, luxueusement installé, je venais de trouver une perle tombée de l'oreille de Madame Pujol et jusqu'à la trace de son parfum favori. Que faire? Absolument rien. Le superbe Mouloud me regardait d'un œil que je n'aimais pas beaucoup, et la présence du mari, le principal intéressé, me gênait considérablement pour ouvrir une enquête. Je pensais tristement en moi-même que si le grand principe de l'inviolabilité consulaire est inscrit dans le droit des gens, il paraît fort méconnu des Arabes dans la pratique. Tandis que le savant bouchait son flacon, je parvins, sous prétexte de me passer de l'eau sur les mains, à m'emparer de la perle sans être aperçu. Au moins Pujol ne perdrait pas tout. Puis nous sortîmes de chez l'arabe. Le minéralogiste se rendit tout droit à la jetée. Quant à moi, je devais repasser nécessairement par le consulat pour restituer la perle. Fort heureusement, Pujol me laissa entrer seul et se fit conduire à bord de mon paquebot pour rendre visite au capitaine. « Avant de vous faire mes adieux, madame, » dis-je d'un ton sévère mais calme, « permettez-moi de vous rendre cette perle. » Elle poussa un cri de joie. « Ma perle! Quel bonheur! Où était-elle ?»« Chez Mouloud Ben Saïd, » fis-je en appuyant sur chaque syllabe. « C'est là que je l'ai trouvée tout à l'heure. Dieu merci, puis je l'ignore ma découverte. » Et comme elle manifestait un étonnement profond. « Je ne sais rien de plus, » continuai-je sur le même ton, « et surtout, je ne veux rien savoir. Inutile de vous dire que je me conduirais en galant homme et ne parlerai à personne de cet incident. Adieu, madame. » Je sortis, presque sans lui toucher la main, en lui disant toute mon indignation dans un dernier regard. Elle saurait du moins qu'elle ne m'avait pas trompé, moi. Je trouvai mon ami à bord. Je l'embrassai avec une effusion qui l'étonna. Pauvre Pujol. Une heure après, j'étais déjà loin d'Aden. J'ai rencontré dernièrement, sur le boulevard, Pujol et sa femme. Ils avaient l'air plus tendrement unis que jamais. Les deux perles noires étaient aux oreilles de la jeune femme. Nous dînâmes tous les trois ensemble et nous parlâmes d'Aden, bien entendu. « À propos, me dit le consul, tu nous as fait travailler l'imagination pendant 8 jours grâce à ta trouvaille chez ce brave Mouloud. Toi-même n'as-tu pas été très intrigué ?» J'étais plus embarrassé qu'intrigué en cet instant, et je balbutiai une réponse qui n'avait ni queue ni tête. « Figure-toi, expliqua Pujol, que mon domestique avait inventé, pour grossir ses épargnes, un moyen singulier. C'était de revendre aux Arabes l'eau qui servait au bain de ma femme. Il faut croire que la perle était tombée dans la baignoire et avait passé de là chez Mouloud Ben Saïd. Comment l'y as-tu découverte ?»« Parbleu, j'ai failli l'avaler !» m'écriai-je en regardant la jolie Marseillaise qui rougissait. Cela n'empêche qu'on a lu à l'Académie des sciences un mémoire sur la houillère d'Aden. Si celle du Tonkin lui ressemble. Ainsi s'achève La perle noire de Léon de Tinsault.